L'île au trésor, roman de Robert Louis Stevenson, traduction par André Lory, édition Hetzel 1911, lecture par Ramida Grobis pour le compte de audiocité.net, sous licence creative.commode.org.